Vous avez dit l'autre jour que René Guénon avait mal fini, je ne trouve pas. Il a accompli ce qu'il avait à faire, il est mort en pieux musulman auprès de sa famille. C'est quoi une belle fin? Non, c'est pas une belle fin au sens... c'est une belle fin au sens, si on l'entend, au sens psychologique, expérimental, planétaire. Mais c'est pas évolutif, c'est pas évolutionnaire. Il ne s'est pas transfiguré. Il a perpétué quelque chose. Il a harmonisé quelque chose. Il ne l'a pas détruit pour passer à autre chose.